Ouh, on est live. C'est fou. J'avais oublié à quel point Sonic et le pinball étaient comme interreliés, genre. Les jeux de Sonic avaient souvent comme des levels de pinball, des mécaniques de pinball. Puis genre, j'ai l'impression qu'il y avait quelqu'un sur le dev team qui était comme fan de pinball. On dirait, hein? Nous sommes le 12 juillet 2018. Vous écoutez, on a juste une vie, épisode 202. C'est un palindrome. Wow. Wow. Un palindrome numérique. Je suis Narf. Et je suis Anne-Marie. J'étais comme, où est-ce qu'on s'en va avec ça déjà? Où est-ce que ça va cette intro-là déjà d'habitude? Ben, ça prend pas grand-chose pour se laisser distraire. Ouais, ou tant qu'à être dans le numérique, ça prend pas grand-chose pour se laisser distraire. Ouf. Ouf, j'en comprends pas. C'était distraire, distraire. Distraire. Oh, c'est juste passé des chiffres? C'est des chiffres. C'est oh, des... boy. Ouais, non, ça... Non, ça... Pas sûr. Non. À retravailler. Ouf. Non. Non. À oublier. D'accord. À mettre dans une petite boîte, dans le garde-robe, puis lui, il l'a laissé là. Puis là, 5 ans plus tard, sortir ça, fait « Ouh, que j'ai gardé ça, ouais! » Non. Direct, aller dans Poupou. Bon. Ah, le beau jeu de mots, on va aller voir Poupou. Hein, gars, Poupou, elle aime ça, les bons jeux de mots. Quoi, t'as pas écouté, c'était qui faisait ça déjà? Les dessins des amis. Pas, mais non. Ah oui, c'était Oncle Georges. Qu'est-ce que c'est ça? Ben, Oncle Georges, l'humoriste. Hein? Des années 90. Il y a un humoriste qui s'appelle Oncle Georges. Ben, c'était pas son... Ben, c'était son personnage, là. Le clown vert qui fait les annonces de Listerine. Ben, il fait plus maintenant, là, mais... Daniel Lemire? Ouais. Oh! Boy! Daniel Lemire, il avait son personnage de Oncle George, qui était comme un bonhomme qui imitait genre les émissions pour enfants. Moi, je me rappelle plus de Rato qui était dans les personnages niaiseux. Rato? C'est, voyons, Jean-Michel Anctil. Non, je le connais plus, pas. Plus mon époque, je pense. Bon, alors, ben, j'ai pas vraiment connu Daniel Lemire, là, mais il. Ben, à part des annonces de... J'ai plus connu des annonces de Listerine, en fait. J'ai jamais trop compris le lien entre Daniel Lemire, Oncle Georges et le Listerine. Ouais, quand t'as un contrat pour être porte-parole, tu le prends. Et son costume, il y avait du vert dessus. Le Listerine, c'est vert, me semble. Ouais. Ouais, bon. À ce temps, je pense qu'ils en font pas mal de couleurs, là, mais je pense que le original, il était vert. Ça, c'est le lien. Et ça, c'est le triangle des Illuminati. mais le triangle ouais. Des carrières mortes dans les annonces poches à la TV. Mais ouais, Daniel Lemire, Oncle Georges, c'était son personnage de parodie d'émission pour enfants. Puis il faisait comme genre « Oh, on a reçu des dessins des amis! Oh, on va les donner à Poupou! Poupou, elle aime ça, les dessins des amis! » J'imagine que c'était une poubelle. C'était une poubelle. Ouais. C'est comme, on reçoit le dessin des amis, mais on crise d'un vidange tout de suite. Okay. Poupou, elle aime ça, le dessin des amis. Oui, c'est ça. Wow. On parlait de Poupou, là. Je sais pas trop. Parce que ta joke était à ce point-là poche qu'il fallait que tu dérapes pendant 5 minutes sur ça. Ouais. Alors, on n'est pas un podcast de jeux vidéo après tout. Oh wait, on est un podcast de jeux vidéo. Oui. Il y a quelqu'un que je connais que son chat s'appelle Poupou. Poupou. C'est drôle. Pauvre minou. Avec Poupou. Je sais pas. Je trouve que c'est un peu triste. Ben là, ma soeur elle a bien un chat qui s'appelle Minoumou. Non, Minoumou, c'est cute! Poupou! Ben, Poupou, ça représenterait au moins Minoumou. Tu t'attends à quelque chose, mais que tu le vois. Boubou. Tu t'attends à un Minou très, très, très coulant. Il est pas particulièrement coulant, ça le pire. Parce qu'il est pas, tu sais, genre, il te flatte, il vient pas te voir, il joue pas, il veut pas se faire flatter. Oh. Tu le prends, il veut juste débarquer. C'est inutile. Il court même pas après les pointeurs laser, tu sais. Tu te coûtes plus inutile si le chat ne court pas après les pointeurs laser. À quoi ça sert? ouais. Le nouveau chat à Camille, lui, il est mou. Tu le flattes, puis là, il fait comme... Oh, un vrai minou mou. Ouais. Fait que, il va reprendre le flambeau. Hey! Je regarde la feuille de route, je vois soupe de bûcheron. Est-ce un chili ou une trempette? On n'a toujours pas répondu, hein? Oh my God. Ça, c'est dans les extra-sujets de notre spécial 200. Il en manquait. Ben, on avait trop long, on a manqué de temps pour jaser de toutes les conneries qu'on a réfléchies avant l'émission. Fait que... Sais-tu qu'est-ce qu'on devrait faire pour se rattraper? On devrait prendre un des sujets que les gens nous ont envoyés. Ah, on pourrait, oui. On pourrait prendre... Alors, on avait Jean-François qui nous avait envoyé « Quel est l'endroit le plus inusité où vous avez gamé? » Alors, je vais le copier et le mettre dans la feuille de route pendant qu'on y réfléchit. Alors, bon. J'imagine que là, on va exclure les toilettes. C'est pas inusité, les toilettes. C'est ça, c'est assez courant, en fait. Mais depuis Pokémon Go, on game dans les rues, là. Fait que, tu sais, c'est déjà de quoi que j'aurais peut-être pas vu venir avant, là. C'est vrai, hein? Ouais. Là, les gens sont obligés de nous endurer. Oui, c'est ça. Le premier été que Pokémon Go est sorti, je me promenais au centre-ville de Montréal avec des amis, puis c'était weird, là, comme... C'est la première fois que je prenais une marche. C'est pas dans le but d'aller à un endroit précis ou à un resto précis ou non, juste parce que sur l'espèce de Pokémon Go Maps qui était genre pas légal, mais qui disait où est-ce qu'il y avait des spawn points de Pokémon, ben là, il disait qu'il y avait un Onyx au parc Émile Gamelin. Fait que là, on était tous genre « Pitu, on s'en va au parc Émile Gamelin! » Et là là! En même temps, je dis ça, mais même pas hier, j'ai sorti les poubelles. Puis là, je regarde, puis là, je sais, oh, il y a un rare sur Papineau. Ah, ça marche encore, ce site-là? Ouais. Dans Jurassic World Alive. Ah, ok. Parce que moi, je joue à mon propre jeu de job. Oui, ben oui. À moitié pour le tester, puis à moitié. Ça, c'est le fun, parce que tu peux le savoir, son où. Pokémon, c'est un peu triste. C'est pas tant. Ben, il y a l'espèce de truc de proximité, là, mais. Ils l'ont boosté. Ouais, mais c'est parce qu'ils mettent des photos des Pokéstop qui est à proximité du spawn. Sauf que, mettons, si c'est un coin que tu connais pas, ça te dit pas il est où le Pokéstop. Ah, peut-être que si tu cliques dessus, ça te le dit. Ouais, c'est vrai. Je sais pas, ben, joué. Tu cliques dessus, puis après ça, tu cliques sur les petits pas, puis là, ça te met un marqueur dessus. Ah, pour vrai? Ça bouge la caméra pour te montrer c'est où. Nice. Puis maintenant, il y a quelqu'un qui m'a dit que. Il va privilégier les Pokémon que t'as pas. Oh! Fait que le range est assez boosté pour ceux que t'as pas, justement. Ok, ça c'est quand même cool. Ouais. Après ça, c'est ce qu'on m'a dit, hein. J'ai pas validé. C'est peut-être toute de la bullshit. Et ça, on a juste une vie. Nous, on fait jamais ça de la bullshit. Jamais! Bon, à part de ça, un endroit inusité où est-ce qu'on aurait gamé? Oui, c'est de ça qu'on parlait. Là, comme je pense en camping quand j'étais jeune, mais c'est pas vraiment inusité, là. Mais moi, je pouvais pas gamer, j'avais pas rien quand j'étais jeune, j'avais pas droit de Game Boy pis tout chez moi, mais de temps en temps, on partait en camping avec une famille de deux garçons, puis eux autres avaient un Game Boy. Puis là, on s'installait dans Roulotte, puis on était trois personnes au-dessus d'un seul Game Boy avec une game de Pokémon. Fait qu'il y a une personne qui tenait le Game Boy, puis les deux autres qui faisaient du backseat gaming, là. Genre, choisis ce move-là! Oh, c'était pas effectif! Choisis ce move-là! On s'en va là-bas! Wow! Ouais. Vous étiez hardcore Pokémon? Ouais. Ben moi, je connaissais pas ça, j'étais tout excitée, là. Fait que les autres, ils m'expliquaient tout ce qu'ils connaissaient, puis j'étais genre « Ouh! » Aussitôt que j'ai pu m'installer un émulateur sur mon ordi, ben j'ai commencé à jouer. Ouais. Moi, j'entendais les gens parler de tout ça. Puis, genre, il y avait un magazine. Mais c'était le guide, là, genre. Ah, ok, ouais. Regardez ça, puis j'étais comme, ah, oh, c'est cool. Ah. Puis, ouais. Puis, je pense qu'il y a eu les émissions de TV. J'ai checké sur Internet, puis j'étais comme, ah, oh, waouh, c'est cool, t'attrapes des bébites. Là, tes fesses battent, waouh. Ouais, moi, je collectionnais les images sur Internet. Je les enregistrais sur des disquettes. Oh, Ouais. sur des disquettes. Ben oui. Quoi, il n'y avait pas C'était de cette place sur époque-là. ton disque dur? Ben, je pense que je pouvais pas laisser mes affaires à moi sur le disque dur, mais il devait pas avoir beaucoup de place non plus, là. Mais les disquettes étaient à moi. Fait que je mettais mes trucs dessus, genre mes images de Pokémon. Ah, ok. C'est plus une manière de garder tes images. Ouais, c'est ça. Des belles images de Pokémon. Ben oui. Il en rentrait combien sur une disquette? Genre une trentaine, peut-être, je sais pas. Wow! Ouais, mais c'était genre des GIFs, là. C'était pas des JPEG, là. Ben, C'était du encore, line art, là. c'est tout petit, c'est quand même. Ah ouais, c'est Non, vrai mais qu'on a. pas un GIF animé, là. Juste l'image, là. C'est un cartoon, là, c'est pas en très haute définition, là. Sure. Parce qu'une disquette, c'est juste un meg et demi. Ah, peut-être pas une trentaine, peut-être une quinzaine de barres. Mais il en rentrait 1,2. quand même une couple, là. Maintenant, tu peux pas prendre une photo sans que ça fasse 4 mégas. Ouais. Me semble que l'autre fois, j'ai vu ce sujet-là, puis j'ai fait, ah oui, je pourrais parler de. Mais Je sais là, pas. blanc de mémoire. Mais là, Lunabit dans le chat m'a dit que PAX, c'est assez hot comme place. Mais oui, PAX, c'est vraiment cool, mais comme endroit inusité pour gamer, je pensais à de quoi de vraiment plus pété que ça, là, genre. En tout cas, moi, j'ai escaladé le Kilimanjaro, puis j'ai amené ma DS, puis j'ai joué en haut. dans ma tête, inusité, c'était quoi de vraiment plus pété, là, Ouais, mais là, genre. Ouais. ça implique qu'on visite, ça implique pour commencer qu'on visite un endroit inusité. Ouais, c'est ça, juste ça, comme ça m'arrive pas tant On que ça. visite pas un endroit inusité, on peut pas gamer. Ouais, ou inusité, faut que ce soit quoi? Soit un endroit exotique, soit genre j'ai gamé pendant des funérailles, là, mais ça, c'est pas super cool. J'ai-tu gamé pendant des funérailles? Je pense pas. J'ai pas été à beaucoup de funérailles dans ma vie, en Moi fait. non plus. Je pense pas. Bon. Parce que sinon, oui, PAX, c'est cool, mais c'est pas une usité de gamer à PAX parce que, genre, littéralement, ça sert juste à ça. C'est 4 jours de tout ça. En avion. Ça, c'est assez normal aussi. Gamé en avion. Mais Dans un j'ai pas hamac. pris l'avion plein de fois, mais généralement, je préfère dormir. Dans Parce que ça l'avion? me donne un peu mal au cœur. Ah. Fait que tant qu'à faire, je vais Ouais. fermer les yeux, ça. Tu vas pas faire du VR comme chose? Ah, ça pourrait être pas pire. Je sais pas si ça aiderait le mal de cœur. Je pense que c'est comme la vibration, mais tu sais, les seules fois que j'ai voyagé, j'étais comme en classe super économique, là. Fait que j'avais de la vibration pis tout, là. Ben, je pense que ça vibre tout le temps. Ah non, mais quand t'es dans la queue de l'avion, c'est pire. Ah ouais? Là. Ouais, quand t'es dans la queue de l'avion, c'est un peu dégueu, là. Surtout si tu pognes de la turbulence, c'est toi qui revoles, là. Pour vrai? Ouais, ça a de l'élasticité, un avion. Ça a l'air de rien, là, mais. What? Ouais. Si t'es Wow. dans le cul de l'avion, tu brasses quand ça brasse. Parce que c'est élastique. Ben, ça a du torque un peu, là, ça a du. Ça fait bon, yon, yon, yon, yon, yon. Genre. Ben voyons donc. Ça donne mal au cœur. J'apprends des choses. C'est flyer un avion. Mais c'est pour ça que les gens, dans le fond, les bonnes places sont en avant, puis les moyennes places sont au milieu, puis les places de merde. Oh, c'est flyer un avion. Ma blonde me juge. Je comprends. Tu le mérites. C'est Là, je flyer un demande, je suis sûr avion. qu'elle s'en souvient d'ailleurs. Des endroits fly, des endroits weird où on n'a Ou jamais gamer, ouais. pêché. Bon, peut-être que ça va nous Ça. revenir. Récemment, j'étais en camping, puis on voulait se plugger un portable, mais on est comme arrivé tard le soir, puis notre campement, finalement, il n'y avait pas d'électricité. Ouh. Puis là, tout était fermé, genre la réception était fermée, puis tout, fait que ça n'a vraiment pas marché, notre plan. Mais on avait prévu. Ouais. Moi, j'avais... Quand on était allé en camping avec ma mère, j'avais appelé à l'avance pour demander s'il y avait de l'électricité dans la tente. Il était supposé en avoir, c'est parce que c'était du 220, puis on n'avait pas d'adapteur. 220? Ouais. Voyons donc. Ben, pourquoi, c'est un camping avec des roulottes, là. Ben, les roulottes, c'est ça qu'ils prennent. Ouais. C'est juste ça, si la réception aurait été ouverte. Hein? Étiez-vous en roulotte? Non, non, en tente. Ah, puis vous aviez pris un terrain de roulotte? Ben, en fait, on était en tente, mais on voulait l'électricité justement pour plugger un portable puis gamer. Mm. Mais, fait que là, les seuls terrains avec l'électricité, c'était les terrains de roulotte. Ils nous ont mis là. On est arrivés, puis on a fait... En fait, on a trouvé comme un outlet où est-ce qu'il y avait des petites lumières qui illuminent comme le numéro de ton terrain. Puis là, on a branché, puis il n'y avait rien dedans. Puis en tout cas, ça n'a pas marché, notre affaire. Puis ça, le lendemain, il nous a dit « Oui, oui, ben, le 220, il marche. Il faut juste que vous veniez chercher un adapteur. » Mais quand on est arrivé à 9h le soir, ben, la réception était fermée. Puis après ça, vous partiez? Non, ben à 9h le soir, après ça, on a dormi. Oui, ouais, on est parti le lendemain. Ah, c'était une journée seulement. Et, fait que, bref, ça aurait pu être inusité, mais ça a chié. Mais la... Je dois avoir déjà gamé dans le bois, je sais pas. Ben oui, je vois Pokémon Go, voir s'il y avait des affaires. Ah. Non, il y avait rien. En campagne, il y a tellement rien, là. Il y a tellement rien. Ah, ben en fait, on a joué à Anabi. C'est vrai. C'est ce que j'avais pas pensé. Ah, mais là, tu parles de board game? Ben oui, mais là, on n'avait rien, on n'avait pas d'électricité. On a genre accroché une flashlight dans les airs, puis on a joué à Anabi. Ben c'est ça, le jeu avec les feux d'artifice? Qu'on coop, ouais. Ouais, ouais, ouais. Il faut pas se parler. Tu dois en avoir déjà parlé. Ben oui. Ok, ouais, c'est ça. J'ai pas pensé, mais c'est tellement rare que je joue à des board games que j'oublie tout le temps de les mettre dans feuille de route. Mais c'est le fun! C'est oui, fun. C'est le fun, mais si tu joues avec ma famille, les gens sont tellement compétitifs puis perfectionnistes qu'ils veulent rien d'autre qu'une partie parfaite. Mais c'est un jeu co-op, tu peux pas être compétitif. Et c'est vraiment tough, puis là, ma mère, des fois, elle fait pas des bons moves, puis là, tout le monde est comme genre « Oh, maman, pourquoi tu fais ça? » Dès que quelqu'un parle, parce que là, ils sont comme genre « T'as pas le droit de parler! » C'est tellement tough. C'est vraiment dur de pas pouvoir parler. Mais là, je peux pas y dire ça quand même. Puis là c'est comme ça donne la réponse. Ouais, c'est ça. Maman! Mais tout le monde triche. Fait que pour jouer à Anabi, il faut que tu joues en mode Bruno. Avec des cagoules, des casquettes et des lunettes fumées, et personne n'a le droit de parler. T'as même pas le droit de parler pour dire les mots que t'as le droit dans le jeu. Tu fais juste pointer. Oh my god. Tu pointes, tu dis, ça c'est un 3. Ouais, ouais, ben ça, c'est ça qu'on faisait. Non, ben je pense que Bruno, il dit, tu le fais avec tes doigts. Oh my god. Tu pointes, puis tu fais ça. Hey boy. That's it. Ouais, c'est sérieux, ça. Non, Anabi, c'est poche, parce que la moitié du temps, t'es comme... T'es jamais sûr s'il donne l'indice parce qu'il veut que tu joues ou il veut pas que tu joues. Ben là, je sais pas. Fait que je vais la jouer. T'es là... Oh, là, c'était évident! Ben non, c'était pas évident. Alors bref, ne pas jouer avec ma famille. Moi, j'avais tendance à oublier aussi, tu sais, quand quelqu'un nomme une carte dans ta main, ah, ben puis là, ça fait comme, oui, c'est ça, ça fait comme 4-5 tours de ça, puis là, t'es comme, fuck, c'était quoi ça? Ouais. Ouais, ouais, ouais, ouais. Tu l'écrives. Hein? Tu peux-tu faire ça? Je trouve que c'est un peu, ouais, je sais pas. Je sais pas si j'accepterais que le monde écrive. Il pourrait faire une version... où le dos des cartes, c'est du blanc effaçable, puis donner des crayons effaçables. Comme ça, tu peux écrire au verso de tes cartes qu'est-ce que c'est. Oh, ouais, peut-être. Faire ça, tes effaces. Je sais pas. Ouais, c'est souvent ces trucs-là effaçables, c'est une mauvaise qualité, puis à un moment donné, ce que tu as écrit, ça reste comme imprimé dans le fond, là. Bah là, ouais, ok. Faut que tu utilises des Ah bons non, mais c'est termes. une bonne idée, là. C'est juste que souvent, comme la technologie est pas là. La technologie. Ah, mais là, bref, si on inclut le board game, mais là, je peux te dire toutes les board games qu'on a jouées en camping. Ouais, je pense pas que c'était. Ouais. Comme là, j'avais Pas sûr amené que c'était ça la question, ouais. Seven Wonders en camping, c'est vraiment bon. Mais ça, tout le monde connaît Ouh. ça. Hey, j'essaie de penser, là. On Parce que change. quand j'ai acheté une DS, là, ça c'est comme je disais, j'avais pas le droit d'avoir de Game Boy chez nous. Fait que, comme à genre 18 ans, j'ai acheté ma Nintendo DS avec mes propres sous pis tout. Puis là, je l'amenais partout. Ben oui, c'est clair. Partout. Puis comme beaucoup de fois que je me suis rendu compte que, comme au gros soleil, tu peux pas gamer là-dessus, c'est-tu qu'on voit rien. Ouais, Je c'est ça qui l'amenais quand était même partout. dommage. Puis là, je la sortais. Puis là, j'essayais de jouer pis ça marchait pas. Puis là, je la rangeais. Ça, on a beau rire du vieux Game Boy, il y avait quand même cet avantage-là que si tu jouais dans le soleil, tu voyais. Ouais. Alors que toutes les autres, tu voyais rien. Je sais pas quel genre de technologie qu'ils utilisaient. Ben, c'est parce que dans le noir, tu voyais pas. Non, c'est ça. Dans le noir, tu voyais pas. Mais si tu avais de la Ouais. lumière, tu voyais. Fait que tu avais juste à avoir de la lumière. Donc, le soleil. Donc, au soleil, tu voyais. Alors que là, même aujourd'hui, les iPhones, tu vois rien au soleil. C'est vrai. Tu mets de la luminosité dans le tapis, puis il faut que tu mettes ta main dedans. Ah, puis c'est fort là quand t'as mis dans le tapis là. Puis donc, c'est pas assez fort, malgré tout. Ouais, c'est ça, mais comme. Mais si la luminosité ou quelqu'un que la luminosité est dans le tapis là, puis que genre qui allume son sel comme dans le noir là, est-ce que ça m'agresse? Ah oui. Ah, que c'est trop fort. Fait que là, quand est-ce qu'ils vont faire des iPhones avec des bons écrans de Game Boy? Ha ha ha! Mais quand est-ce qu'il va y avoir un écran qui va pouvoir faire les deux? Est-ce que tu veux que ce soit rétroéclairé? Parce que tout le monde utilise son téléphone dans son lit. Ne se mentons pas. Ne nous mentons pas. En tout cas, vous le faites. Brrr. Mais. C'est pas très inusité. Ouais, c'est ça. Mais ma mère, elle m'a tout le temps dit de pas faire ça. Oui. Que je veux pas dormir. Je vais passer mon temps sur mon sel. Ah, oh, ouais, ben oui, Ouais, c'est elle a ça. raison. Elle a absolument pas tort. Ouais, Absolument pas. Mais, ouais. Je sais pas, je pense pas que la technologie serait compatible, parce que j'avais l'impression que le vieux Game Boy, la technologie, c'était un peu comme les calculatrices. oui. C'est comme on dirait qu'il y a une couche à l'intérieur de l'écran, genre. Une couche. Il y a une couche de quelque chose. Ça, on dirait que c'est pas directement au fond de l'écran, puis c'est pas directement sur le dessus de l'écran. Ouais, ben c'est une pellicule transparente. Ouais, je sais pas vraiment comment ça marche, mais grosso Moi non modo, plus. c'est une pellicule transparente qui flotte entre une surface réfléchissante. Surface réfléchissante mat. Parce que sinon, ça ferait un miroir d'en face, puis ce serait gossant. Ouais. Remarque que ça le faisait quand même, là. Si t'avais le reflet du soleil dans ton Game Boy, tu l'avais dans la face. Ouais. Mais ça se Enfin. combinerait-tu avec un écran de téléphone? Ah ouais, il navigue dans le chat, il dit comme les Kindle. Ouais, c'est ça, les Kindle, ça marche. Tu peux les lire au soleil. Parce que c'est Oui. de l'encre électronique, là. Ouais, mais le Ouais. refresh rate sur un Kindle, c'est 1 seconde. Fait Ah qu'avoir ouais. un bon gros frame par seconde. Ah mon Dieu, non. Et Ouais, ok. potentiellement moins. Parce que Je savais c'est pas. un Est-ce que frame par c'est beau, par seconde exemple? flou. Comment? C'est beau, par exemple. Ah oui, c'est très beau, mais je pense qu'ils en font même plus des comme ça parce que les gens ils veulent tout rétroéclairer maintenant. Ouais. Ah, ben non, les Kindle, non, non, les Kindle, ils continuent parce que les Kindle, c'est pas tant des jeunes qui aiment la techno, là. C'est beaucoup des madames qui lisent au soleil, là, sur leur balcon, puis ça fait vraiment une grosse différence. Ok. Ouais, tu peux lire à la plage sur un Kindle, puis Oui, oui. ça a l'air d'un livre. Un bon Kindle pour les madames et les messieurs. Faisons pas de discrimination. Non, mais c'est ça, c'est surtout pour les amoureux de la lecture, puis c'est peut-être moins notre génération qui lit sur leur téléphone, là. T'sais, j'ai lu une couple de livres électroniques sur mon téléphone, là, mais comme justement, quand il y a gros soleil, ce que tu fais, c'est que tu le mets en mode écriture blanche sur fond noir. Ouais. Ça l'aide un petit peu, mais même à ça, c'est pas parfait, là. S'il fait un gros soleil comme ces temps-ci, quand je vais manger dehors, là, c'est pas parfait. Mais normalement, le mode écran et le mode avec l'écran noir puis le texte en blanc, ça c'est pour les la nuit. Ah oui, c'est vrai. Ouais. Ouais, non, t'as raison, c'est pour lire la nuit, ça. Je sais pas si ça marcherait mieux au soleil, par exemple. Mais bon, ben, je pense que ça fait le tour des endroits inusités qu'on a gamés. On est poche. On est On n'est pas poche. très très aventurier, je pense. Non, mais, OK, là. Mettons qu'on parle pas de nous, là. Genre, mettons que, où est-ce que ça serait un endroit inusité pour gamer? Même ça, j'ai un peu de la misère. Je suis comme, ben quoi, en parachute? Ben moi, c'est ça, je pense au gars, je pense que c'est le mont Everest, là, mais il se promenait une photo à un moment donné d'un dude qui montait le mont Everest puis qui jouait à sa DS comme à un des camps d'acclimatation, là, Ouais. ouais, en tout cas. Est-ce qu'il faut qu'ils attendent là longtemps? Oui, c'est ça, fait qu'il avait amené sa DS puis il avait pris une photo, là. Fait que ça, c'est cool. Ça prend pas de place, t'as pas besoin d'amener des livres, puis je comprends. Tu peux sûrement jouer à des modes de jeu comme Pokémon, que de toute façon, tu vas monter l'Everest puis revenir puis pas avoir fini. Hey boy. Fait que pas de danger. En tout cas. Et Sinon, paraît-il qu'on a joué à des jeux vidéo. Toi, t'as-tu joué à des affaires cette semaine? oui, j'ai joué à des affaires cette semaine. Moi, je me T'es demandais. en train d'écrire à la mauvaise place, là. Ouais, j'ai juste marqué Anabi, puisqu'on en a parlé un peu. Voyons. Calvaire, je l'ai perdu. Oui, il y a un podcast auquel j'ai pas assisté. C'est comme le 199, quelque chose de genre, que tu étais avec Blob, puis vous avez parlé de Stardew Valley. Je veux savoir si vous avez parlé du mode co-op. Je C'était m'en ça? souviens pas. T'en souviens pas? Il me On semble en que c'était a dans les notes. parlé beaucoup, je pense. Parce que j'ai joué à Stardew Valley en mode co-op pendant le week-end. Sur le week-end de 3 jours, là. Ouais. La fête du Canada, là. Lequel? Ouais, c'est ça. La fête du Un Canada, des là, je deux pense. week-ends de 3 jours. Ouais, c'est ça. Ah, le 198, vous avez parlé de Stardew Valley, de Raspberry Pi, puis des jeux Twine. C'est vrai, on a parlé de ça. Tu sais, les podcasts, sitôt Ouais, ça. enregistrés, sitôt oubliés. Ouais, je comprends, moi aussi. Mais ouais, on a dû jouer genre 20 heures en genre 2 jours, là. Pour vrai, on a été Purée. un petit peu, ouais, à Ok. trois. C'était vraiment, vraiment le fun. Ben, c'est que la canicule a commencé ce week-end-là. Puis, faisait comme fucking trop chaud pour sortir, là. Fait qu'on s'est enfermé en dedans, en fermant les rideaux pour pas qu'il fasse trop chaud, puis avec leur clim. Puis, Yeah. ouais, on était des vrais. Ça faisait longtemps que j'avais pas fait ça, là, comme être une vraie ermite, là, puis juste comme commander de la bouffe, puis jouer pendant 10 heures de temps, là. En fait, je pense qu'il y a une journée qu'on a joué comme au moins 12 heures, là. Wow. Ouais. On a avancé, on a fini la première année. En une journée. Non, deux. 2 journées. Oh, OK. Donc, il y a peut-être une Wow, c'est vingtaine d'heures, là. long ce jeu-là. Ouais, c'est long. Non, mais il y a juste 3 ans. Ouais, mais ça Ça, on est prend trois deux aussi, là, jours fait que. intenses pour faire Mais à un. trois aussi, tu vas pas comme te coucher de bonne heure, là. Il y a tout le temps quelqu'un qui est comme non, non, moi, il me reste de quoi à faire, tu sais. Fait que tu te couches quand c'est la dernière seconde avant que ton personnage s'endorme, là. Et là là. Eh ouais. On maximisait ça. Mais C'est c'est le fucking fun! épuisé. Ouais, c'est ça. C'est le fun parce que. Justement, j'avais un ami qui me disait, oh, Stardew Valley, c'est compliqué parce qu'il faut que tu multitasques, tu sais, faut que tu fasses un peu de tout. Puis, ben, de jouer en coop, ben, c'est ça, je me demande, en avez-vous parlé? Parce que je veux comme pas répéter des trucs Non, que vous avez dit. non. OK. Pas de ça, en tout cas. Ben, jouer en coop, ce que je trouve vraiment cool, c'est que s'il y a quelqu'un qui veut, genre, pas faire de la gestion de graines, puis de sarclage de terre, puis d'arrosage de terre, ben, il en fait pas. Il peut juste T'sais, c'est quelqu'un qui veut pêcher, il peut juste pêcher. C'est quelqu'un qui veut faire du donjon, il peut juste faire du donjon. Puis nous autres, ben, Marc-André, son trip, c'était juste de comme faire l'agriculture. Fait que c'était juste lui qui faisait l'agriculture. Non. Comme... C'est lui qui allait dépenser, genre, au début de... Au début... Voyons. De chaque saison, faut aller acheter un paquet de graines, puis là, tu plantes toutes, puis là, tu récoltes tout le reste de la saison. Fait que... Ouais, on a déjà parlé de Stardew Valley, le Milan, c'est sûr, mais c'est ça, le mode co-op, il est encore en bêta. Fait qu'il faut comme aller downloader le bêta sur Steam. Puis ouais, c'est ça, une affaire que je voulais peut-être parler un peu aussi, c'est que, ben, il y a des bugs. C'est pas encore... Ah ouais? Ouais, c'est pas encore... Parce que Camille a eu la même idée, elle s'est dit, ah, week-end 3 jours, on devrait jouer à Stardew Valley. Elle a envoyé un email à plein de gens. Pour vrai? Et là, j'ai répondu, j'ai fait, bah, j'ai pas le jeu, mais sure. Mais il y avait beaucoup de gens qui étaient comme genre, oh, ça donne mal pour moi, blablabla. Fait qu'on finalement n'a pas joué. Et tu peux jouer jusqu'à 4, là. Fait que c'est sûr que ça doit être cool à 4, là. Mais oh mon dieu, que ça va vite, par exemple. Parce que justement, comme, tu produis 4 fois plus, là. Ben oui. Fait que ça roule, là. Puis il y a beaucoup de bugs. Ben, c'est pas... plusieurs bugs de son, j'ai trouvé. Dans la ferme qui est partagée avec tout le monde, là, des fois j'avais comme plus des sound effects pour bûcher ou des trucs comme ça. Mais il y a vraiment un bug qui m'a empêché de continuer, ben, qui m'a empêché de réaliser une quête. Puis qu'est-ce que ça faisait? Ça faisait crasher le jeu. Ouais, fait que je pouvais vraiment pas. Puis mais je suis allée voir sur internet, puis quelqu'un qui a fait un mod pour corriger le bug. Puis sauf que là, c'est un jeu sur Steam, fait que j'étais pas sûre si je pourrais comme changer les fichiers pis tout. Pis... Mais non, je l'ai installé pis ça a fonctionné. Fait que j'étais chanceuse. J'ai été chanceuse, mais ça a corrigé. Parce que dans le fond, c'était une quest qui commençait une cinématique pis ça faisait crasher le jeu. Fait que c'est un peu triste, mais c'est pas tout le monde qui va expérimenter ce bug-là parce que c'est, tu sais, les cinématiques quand tu commences à être ami avec quelqu'un, là. Fait que fallait que tu mettre ami avec cette personne-là pour avoir cette cinématique-là. Fait que c'est pas tout le monde qui va décider de monter sa relation avec nécessairement cette personne-là, en tout cas. Mm-hmm. Fait que ouais. Ah, c'est drôle, à 3, là, tu peux... ben, parce que nous autres, on joue à 3, là. Tu peux monter ton relationship avec, genre, tout plein de monde en même temps, là. Tu peux avoir à peu près tout le monde, là. Sauf que quand t'es en cinématique, le monde, leur journée, elle continue. Fait que, genre, le temps continue. Là, tu vas sortir de ta... Ben, je sais pas si c'était déjà le même avant, mais je pense que non. Je pense que le temps arrêtait quand t'étais dans une cinématique. C'est une cinématique, tu faisais un dialogue? Ben, ouais, mais il y a comme un peu des cutscenes où comme... Il y a avec vraiment de quoi... Animation pis tout, là? Ouais, un peu. Ben non, mais c'est dans le jeu, là. Il est pas... tu deviens pas comme en first person pis tu vois des affaires, là. Mais c'est que ça se skip. Oui, ça se skip, mais là, si c'est la personne qui t'essaie de cruiser, ben tu le skip pas, là, tu veux savoir ce qui se passe. Ça va tous les potins de cruisage. Ben oui. Mais tout le monde, c'est ça qui est le fun avec Stardew Valley, là, c'est que tous les villageois sont intéressants, là, ils ont tous des squelettes dans le placard. Là, fait que... squelettes dans le placard, c'est pas exactement intéressant, ça. Ben oui. Ouais, ben, ça fait du drama. Ouais, ben okay, oui, sure. C'est ça. Du drama à découvrir. Comme la fois où le maire cherche ses shorts violettes dans la première année, je pense, l'été. Là, que... C'est une calque que tout le monde a, ça. Fait que c'est pas vraiment un spoiler, là, mais à un moment donné, le maire cherche ses shorts. Puis, c'est quand même drôle où est-ce qu'ils sont cachés. Là. Tu les trouves dans le champ? Non. Oh. Tu les trouves dans une chambre à coucher? Ouh! De quelqu'un d'autre? C'est drôle. Oh. Il y a plein de petites affaires de même, là. C'est vraiment cool. Et qu'on a eu ben du fun. Puis c'est ça l'espèce de truc story qui avance avec le temps, qui est la restauration du centre communautaire. Ben là, c'est ça, à 3, ça va pas mal plus vite, là. Parce qu'il y a une seule personne à devoir faire comme tous les poissons, puis tous les légumes, puis toutes les affaires, là, tu sais, c'est pas facile, là. Mais à 3, le centre communautaire, et on l'a super, on l'a quitté. Ben, on a fini au moins à moitié, puis on a juste une année de fête. Là. Fait que ça va vite. Wow. Mm. C'est le endgame, ça? Ben, c'est pas ça. Plus tu l'avances, plus ça te débloque des trucs. Fait que, ouais, éventuellement, ben, tu finis par débloquer. Parce qu'il y a d'autres zones où tu peux pas explorer qui finissent par se débloquer. Des trucs pratiques aussi. Man, il y en a du stock dans le jeu, là. Ah, qu'il y a du stock dans Stardew Valley, c'est le fun. Là, il y a eu des updates depuis. Quand j'avais joué, c'était pas longtemps quand il était, après qu'il soit sorti, là. Fait que, depuis, il y a eu des updates, là. Par exemple, il y avait un personnage célibataire dans le village que tout le monde a chialé parce qu'on pouvait pas le dater. Puis là, le développeur a flanché, là, puis il a dit, ah, OK, je vais faire un update, puis vous allez pouvoir le cruiser. Et là là! On voit où les gens ont leur priorité. Oui. Mais il y a des items de plus aussi, là, il y a des items qui me disent rien. Beaucoup plus de customisation aussi dans ce que tu peux fabriquer pour embellir ta propre ferme, là. Ça, c'est vraiment cool. Beaucoup plus de endgame aussi. Hmm. Hmm. Mais bon, okay. Plus de bugs. Ouais, mais c'est pas, c'est ça, c'est pas super, là. C'est juste la cinématique qui a fait tout crasher. Puis des fois, ça crash. Comme, je sais pas si mon internet est si pire que ça, parce que tu vois, là, soir, ça va bien, mais comme, des fois, je droppais, fait que c'est peut-être juste le serveur aussi, là. Ouais, du netcode, si t'es pas habitué d'en faire. Ouais, j'ai eu à en faire un petit peu avec Lightbot, là. C'est pas facile. Ben, je sais que je pense que c'est Chucklefish qui est son publisher qui s'occupe de ça surtout. Puis eux autres, ils font déjà Starbound, puis Starbound, ça va quand même bien. Mais ça veut dire qu'il faut que tu recodes le jeu au complet. Tu peux pas, tu peux tellement difficilement repogner du code existant, puis juste dire, on va rajouter du multiplayer là-dedans. Ouais, non. Ben, c'est pour ça que ça a pris autant de temps, là. C'est combien de temps qu'il est sorti Stardew Valley? Ça doit faire 2 ans, là. On me demande dans le chat plus de endgame. Ben ouais, c'est un jeu qui finit pas, mais dans le fond, l'histoire a fini après 3 ans. Apparemment, je me suis jamais rendue enfin à la fin de Stardew Valley encore. Mais après ça, tu peux juste décider de continuer à l'infini, mais à un moment donné, t'as pas plus de choses à faire. T'sais. Tandis que là, il y avait une couple de bâtiments de plus que tu peux faire construire. Je pense que tu peux avoir plus d'améliorations dans ta maison aussi. À moins que c'était vraiment des trucs que j'avais pas remarqué avant, là. Mais non, je pense que c'était une couple de nouvelles affaires, de juste pour pouvoir progresser un peu plus loin, là. Parce que, à un moment donné, tu sais, oui, c'est un jeu qui finit pas, là, mais à un moment donné, tu vas avoir tout cultivé, puis tu vas avoir tout trouvé, les secrets, puis, tu sais. Même que t'aies tout découvert, c'est comme un peu fini, là. Mais c'est ça, il y en a rajouté. Donc, c'est toujours aussi bon. Puis là, ensuite, on peut jouer sur la Switch aussi. Ils l'ont-tu mis en coop sur la Switch? Fait que tu pourrais jouer à Stardew Valley puis récolter ton champ avec un tracteur en étant toi-même assis sur un tracteur. Je récolte pas avec un tracteur. Ah non? Non. Tu récoltes un item. Oh. Mais t'as pas des tracteurs? Non. Y'a pas de tracteur dans Stardew Valley. Non, c'est pas si grand que ça, ton jeu. Pas petit, là, mais... Oh, ben, en tout cas, j'en ai jamais vu. Écoute, peut-être qu'il y a quelle déception! Jeu, mais... Genre, moi, qu'est-ce que tu... Quand je pense fermier, je pense tracteur. C'est peut-être moi qui est dans le champ. Ha, ha, ha! Mais... Alors, je suis un peu déçu qu'il n'y ait pas de tracteur. Non. Je vais retourner à Farming Simulator 2017. Ah, ben là, là... Ah oh, oui, il est sorti sur Switch. C'est ça, j'ai regardé. Tu peux jouer. Mais c'est comme Harvest Moon. T'as-tu un tracteur dans Harvest Moon? Oh là là, Anne-Marie, là, tu gosses. Oh! Peu importe s'il n'y en a pas, tu peux jouer avec pas de tracteur dans le jeu en étant toi-même assis sur un tracteur, ce qui est quand même un endroit inusité. Ah, c'est ça que tu cherchais. Ben oui, c'est un endroit inusité. C'est un tracteur. Fait qu'on on demande dans le chat si le côté exploration en vaut la peine. Ben, moi, je trouve que oui, mais je me suis jamais rendue à la fin. Mais justement, comme où est-ce qu'on est rendu? On a vraiment de la misère, là. C'est genre vraiment, vraiment tough, les cavernes, où est-ce qu'on est rendu. Fait que c'est un bon défi, là. Assis sur mon tracteur, je pense à toi et puis moi. Nanana, tracteur assis sur mon... Si sur mon tracteur, je pense à toi. Et là là! Mm-hmm. Le François Pérusse en moi ressort. Que voulez-vous? C'est pas tous les jours qu'on parle de tracteur. On parle-tu de VR? On peut parler de VR. Jouer. T'as-tu des tracteurs en VR? À quand Farming Simulator en VR? Non, ben j'en ai pas vu encore. Il y en a peut-être, mais j'en ai pas vu. Mais les jeux de farming, souvent, ça demande beaucoup de déplacement. Puis les meilleurs jeux de VR, c'est les jeux que t'as pas à te déplacer beaucoup. Ouais, mais si t'es sur un tracteur, tu devrais pas avoir mal au cœur. Parce que c'est pas toi qui marches, pas ton corps, c'est ton tracteur qui avance. Fait que tu devrais être correct. Quand même de l'accélération, là. Je veux dire, Ouais, tracteur, c'est pas de la grosse si ça va pas accélération, trop vite, effectivement, là. ça devrait pas être si pire. Mais, je veux dire, le mouvement en VR, c'est pas le mouvement. C'est sûr qu'un mouvement lent, c'est moins pire, mais quand tu perçois l'accélération, puis que ton champ de vision périphérique perçoit du mouvement, puis que ton oreille interne a dit nope, je ne perçois pas de mouvement. Ton cerveau fait comme nope! It's abort! Abort! Vomis ce champignon hallucinogène. T'es comme genre non, c'est du VR. Bon, on s'habitue là, mais Non, c'est. cerveau, c'est du VR. Ouais. S'il te plaît. Justement, j'en ai essayé un jeu. Ben, c'était pas un jeu, c'était un music vidéo. Là, je me demande si notre cerveau va genre s'habituer. Ah, oh, sûrement. Avec non, mais avec l'évolution. Penses-tu que dans 1000 ans, l'évolution va avoir fait qu'on n'aura plus le mal des transports à cause que tout le monde Et va être en VR tout bah boy, peut-être un peu, mais genre, le temps? pour que ça Non. fonctionne, il faut que tu aies de la Pense pas. sélection naturelle ou de la sélection non naturelle. Genre, y a-tu Ouais. Ouais, du non. eugenic VR? Hey boy. C'est genre, tous ceux qui n'ont pas fait de VR, les tuent. Tous ceux qui supportent pas le VR, on les tue. Comme ça, la race humaine va se trouver évoluer avec des gènes résistants au VR. Ouais, non. Bref, à quoi Fait t'as joué? Excuse-moi, c'était ma grosse réflexion scientifique. c'est un bon point. C'est un bon point. J'ai joué à une affaire qui s'appelle Transition. C'est un vidéoclip VR, donc il n'y a pas d'interaction. Tu fais OK. juste. Tu es assis dans un. Pas dans un tracteur, tu es assis Oh. sur une chaloupe OK. qui avance tout seul. OK. Puis ça dure genre 3 minutes, 5 minutes. Il est où la transition? Si tu lis la description, ça parle un peu de la transition du passage entre la vie et la mort. Oh, ok. Alors tu vis cette transition. Ah, oh, t'es sur le bateau qui est sur. C'est quoi le nom du fleuve qui t'amène à la mort, hein, dans le monde des morts, en Ouais, Grèce? Shit! J'oublie. peut-être la scène, non. Non. J'ai juste de Charybde dans Scylla dans ma tête, mais. Narfe vient nommer le seul autre fleuve qu'il connaît à part le Saint-Laurent. Ah non, c'est des monstres marins, chérie, des silures. Mais c'est quoi de bord le fleuve? Holy shit. Non, mais t'es dans l'eau, puis au début, il y a comme des villages, un village sur pilotis, puis les gens te regardent, puis là, t'avances, puis là, il y a des poissons, puis il y a des arbres, puis là, après ça, il y a des nuages, puis là, t'es comme un peu dans le ciel, puis c'est beau. Le Styx. Le Excusez. Styx. Le Styx. Ah, Styx, c'est pas un nom facile à retenir, ça. Oh oh oh oh! Oh C'est-tu gratuit? Ouais, c'est une affaire gratuite. Comme je dis, c'est une affaire de 3 minutes, c'est beau. Mais il y a un petit problème dedans. OK. Vers le milieu, il faut que tu fermes tes yeux. Parce que, pour une raison que je ne comprends pas, à un moment donné, tu arrives en dessous d'une espèce d'arche, d'une arche en roche. OK. Puis là, ça aurait très bien fait la job comme porte pour t'amener ailleurs. Mais les développeurs ont décidé, genre, ah, oh, on va faire comme une métaphore. Le bateau va tourner et rentrer dans l'eau. comme si Ouh. Le monde tournait, et là, comme dans Pirates des Caraïbes, quand ils font flipper le bateau, là. Ils font flipper le bâton? Dans le 2 ou dans le 3. Ah non, au-delà du 1, j'ai pas vu ça. T'as pas manqué grand-chose. Quoi que le bout qui font tourner le bateau, c'est quand même assez cool. C'est comme... Je pense que j'ai vu celui où est-ce qu'il y a des pieuvres. C'est celui où est-ce qu'il y a des pieuvres? Et David Jones avec sa face de pieuvre? Ouais. Il y a deux films avec lui. Ah, shit. Je pense. Ah. Damn it. En tout cas, il y en a un qui finit que Jack Sparrow se fait bouffer, Johnny Depp, se fait bouffer par un kraken. Puis là, dans le troisième film, donc, il commence puis il est mort. Ou en tout cas, on s'imagine qu'il est mort. Parce qu'il est dans le désert avec des crabes. Et là, c'est drôle. Le bout de la scène dans le désert avec les crabes, c'est drôle. Le bout qui ressuscite le bateau dans... qui font flipper le bateau dans l'eau. Ça, c'est cool. Le reste du film, bof. Et okay. Donc, ouais, ça fait ça. T'es dans le bateau, puis là, ça tourne. Et ça, c'est l'affaire à ne pas faire en VR. Ah, genre, pourquoi? Ça sonne comme ça, ouais. Tu sais, prendre le contrôle de la caméra puis la faire tourner, c'est pas cool. À faire avancer, c'est déjà pas très cool, mais tu sais, le jeu commence, puis là, t'es déjà en mouvement, puis là, tu fais comme « Oh, j'aime pas trop ça. » Mais après 10 secondes, tu fais comme « Ok, c'est pas trop pire, finalement. » Mais là, vers le milieu, quand tu décides, genre, que tu passes dans l'au-delà, puis qu'ils font flipper le bateau, puis qu'ils le font flipper comme si je te vire à l'envers, mais que tu ne vires pas à l'envers, puis que ton oreille interne est comme « Non, moi, il n'y a pas de virage à l'envers, pas de problème ici. » Oh boy! Oh boy boy! La mauvaise idée. C'est, ça dure comme 5 ou 10 secondes, puis c'est 5 ou 10 secondes de trop. J'étais comme « Pourquoi vous avez fait ça? » Ça, c'était... Tu sais, ça donne... Je me sens tellement mal, j'ai chaud, j'ai comme... Ah, ça devait être juste comme un test, genre, artistique, là. Puis tu sens tout croche jusqu'à la fin, après ça. Puis la fin est tranquille comme le début, là. Mais genre, là, rendu là, t'es comme genre, oh non. Puis là, tu sais plus si tu le trustes, là. Parce que t'es comme genre, allez-vous me refaire une autre affaire de même, là? T'sais, à la fin, après ça, tu t'élèves, là, c'est cute, mais... Non. Mais le flippage du bateau, nope. Never. Don't do that. Genre, c'est quand tu tiltes l'horizon, genre. Ça, l'application de Google Earth, ils ont bien compris ça. Quand tu tiltes l'horizon ou que tu crées des déplacements comme ça, ils coupent ton champ de vision. Ah, OK. C'est comme si soudainement, tu voyais juste comme ton téléphone. Genre, un hublot. Tu regardes dans un hublot, puis le reste de l'image qu'ils ont coupé... C'est pas du noir, ils mettent comme du plancher, là. Non. Fait que c'est comme si t'es soudainement. T'étais comme un géant au-dessus de la ville. Puis là, tu déplaces la ville. Puis là, c'est comme ça coupe. Là, c'est comme si tu regardais dans un tuyau de papier de toilette. Puis que tu voyais en dessous du tuyau de papier de toilette, tu fais comme oh, j'étais encore sur le plancher des vaches. C'est pas le même plancher que voilà une seconde, mais c'est un plancher. Puis là, tes yeux, puis ton oreille interne, sont comme, OK, no problemo. Puis là, dès que t'as fini de bouger la caméra, là, ils remettent la ville 3D partout, puis là, dans le plancher. Et là, t'es un géant dans les buildings. C'est cool. Mais j'ai déjà dit que Google Earth, c'était très cool. Alors, je vais juste leur dire. Donc, ouais, transition, c'était cool. J'ai joué à Batman. Sauf la transition qui était pas très cool. Sauf la transition qui était pas cool. J'ai joué à Batman Arkham VR. Ce n'est pas Arkham Asylum porté pour VR. C'est un nouveau jeu. Paraît-il qu'il est pas très long. Moi, j'ai passé à peu près une heure à gosser avec des objets. Fait que je peux pas le dire. Je peux pas savoir. Parce que genre, ils ont recréé les environnements clés de Batman, Puis t'es là, puis tu peux gosser avec les objets. C'est quoi les environnements clés? Ben, comme ça commence au début, puis Bruce Wayne se réveille sur le piano. Puis... dans sa mansion? Dans son manoir. OK. Puis là, t'as Wilfred, c'est ça son nom? Alfred. Ouais. Alfred. Je me bugue avec Wilfred, là, j'étais là, c'est quasiment ça. Alfred qui passe à côté, puis qui fait comme, oh, Mr. Bruce, you should really use your bed instead of the piano. puis là, tu peux, comme, il y a des objets, il y a un téléphone, tu peux répondre au téléphone, écouter tes messages, tu peux gosser sur les objets du piano, prendre des partitions, il te donne une clé, tu peux débarrer le piano, puis là, faire de la musique. Et là, évidemment, comme on le sait tous, c'est le code pour ouvrir la Batcave. Et là, tu te demandes... Blum en a déjà parlé de ce jeu-là, fait que je fais juste me répéter. Mais tu sais, c'est toi, Batman. Fait que c'est quoi le code pour ouvrir le piano? Peu importe. C'est toi, Batman. Tu connais le code. Alors, okay. Tu fais n'importe quoi. Et ça ouvre le piano. Ben voyons. Ça ouvre la Batcave. Et là, tu t'en vas dans la Batcave. Et là, il te fait mettre le suit. Et là, tu mets le plastron et la cape et là, les gants. Tout avec une interface comme vraiment bien faite pour que tu sentes qu'il te mette vraiment le suit. Tu sais, comme il te fait placer tes mains. Soit comme, mettre le costume, il te fait prendre le un morceau du costume. Puis là, tu le mets sur toi, puis là, pouf, le costume apparaît sur toi comme si c'était magique. Oui. Tu mets les gants, il te fait attraper comme deux poignées, fait qu'il te fait placer tes mains dans des espèces de tubes avec des poignées, puis là, ça embarque sur tes bras, puis là, ça se débarque, puis là, t'as les gants. Wouhou! Puis ça fait différent parce que au début du jeu, là, quand t'es dans le manoir, là, t'es Bruce Wayne. Puis là, tu regardes tes mains, puis tu fais comme, c'est quoi ces mains-là? Des grosses mains avec des gros doigts pleins de cicatrices comme s'il s'était battu la veille puis qu'il y avait encore des cicatrices ensanglantées. Là t'es comme c'est quoi ces mains dégueulasses là c'est oui c'est vrai, je suis Bruce Wayne, je suis Batman. Là après ça tu mets les gants et là t'es Batman et là finalement tu mets le masque. Et là, qu'est-ce qu'ils font faire? Il bloque-tu ta vision, le masque, genre? Non. Mais, après ça, ils te mettent un beau miroir pour que tu te regardes, puis tu fais comme, je suis Batman! Yeah! C'est bien hot. Puis là, ils te font gosser, ils te donnent le grappin, puis son petit scanner, là, qu'ils ont inventé pour utiliser les manettes Oculus Touch. Fait que là, tu utilises ça, tu scannes des cossins. Et là, il te demande de shooter une batarang. Il n'y avait pas déjà un scanner dans Arkham? Je suis plus sûr. Ah oui, là. Ah non, il y avait Batman Vision. Je pense que c'était ça. Batman Vision. Fait que là, tu as tout comme un petit scanner. Puis là, ben, tu es comme un... Comment ça s'appelle, là, l'affaire qu'ils ont dans Star Trek, là, qui font comme... Un tricorder? Genre... Ça peut scanner, ça envoie de la lumière, puis ça fait apparaître des affaires, des informations. Ce genre d'affaires-là. Puis là, après ça, ils te font lancer des batarangs sur les cibles. Puis, une affaire que je trouve, pour avoir essayé pas mal de trucs VR, c'est que lancer des affaires en VR, c'est pas exactement facile. Déjà, faut que tu fasses un mouvement un mouvement que le VR, les manettes touch, sont vraiment intuitives parce que attraper un objet et relâcher l'objet, c'est comme si tes doigts faisaient le mouvement parce que c'est les triggers qui sont à la place de tes doigts qui grippent. Fait que tu fais le mouvement. Fait que quand tu lances un objet, il faut que tu relâches ce bouton-là, mais il faut pas que tu lâches la manette, hein, tu sais, parce que pas que tu lances la manette. Fait que déjà, tu as une étape où comme, oui, il faut que je lance le batarang. Il faut pas que je lance tout le batarang. Il faut que je le retienne avec mes deux derniers doigts. Bon, au pire, j'espère que tu as mis la dragonne. Oui. Moi, j'ai mis la dragonne, juste au cas. c'est 99% du temps inutile, mais j'ai failli échapper la manette en jouant Batman. Alors, je l'ai pas échappé, mais comme le premier batarang, je fais « Oh, c'est vrai, faut que je la tienne, cette affaire-là. » Mais c'était proche de partir. Puis ouais, viser en VR, lancer des objets en VR, c'est pas facile parce que t'as pas le poids. Faut que tu lances, mais c'est comme... La précision du lancer est pas top. Chaque jeu a de la physique différente. Fait que c'est comme, faut-tu que je lance fort? Faut-tu que je lance vite? Pas vite? Non? Fait que c'est pas... Mais là, ce niveau d'être pas bon à viser n'est pas digne de Batman. Oh! Batman, lui, quand il lance un batarang, il lance le batarang. Et le batarang atteint sa cible. Uh-huh. Parce que t'es Batman, tu sais. Fait que là, toi, tu lances le batarang. Et là, le batarang fait direct sur la cible. Ah, c'est okay. Comme, ben oui, car je suis Batman! Mm-hmm. Si. Puis après ça, tu t'en vas dans le Batcave, puis là, tu gosses avec le Batcomputer. Puis là, il y a son petit laboratoire, puis là, tu fais des prises de sang, puis des échantillons, puis là, tu mets ça dans la centrifugeuse. Wow. Puis là, tu vas me dire, genre, admets. Toi, tu vas me dire, genre, ben ouais, il y a toute de la bullshit, tu sais. Je suis comme, ouais. Pourquoi qu'il y a ça, Batman? Ben, parce que c'est un scientifique, Batman, tu sais. C'est un enquêteur qui prend la prise de sang, puis il la compare avec un autre échantillon de sang. Et là, il se rend compte que, le sang. Quand est-ce qu'il prend des prises de sang? Ils sont là, ils sont dans son bureau, tu sais, ils les avaient. Puis là, t'es fou dans la centrifugeuse pour le faire comme centrifuger. Après ça, tu le mets dans le scanner pour le faire scanner. Toutes des choses qu'une scientifique telle que toi reconnaît et affirme avec conviction que c'est la bonne méthode pour détecter le sang du Joker. Hein? Tu mets le sang dans la centrifugeuse et ensuite dans le scanner. Et là, il est vert fluo! Il est contaminé par le sang du Joker. Oh! Dans ma tête, Batman, il fabriquait genre de la technologie, là. Genre des batarangs, puis des grappling hooks, puis des nouvelles armes. Puis j'ai pas tout pensé pour avoir un laboratoire de forensics dans ses affaires. Je sais pas pourquoi je le voyais pas comme ça. Mais Batman, il a tout. Ouais, c'est peut-être ça dans le fond. Il a tout. Que j'ai sous-estimé le fait qu'il a tout. Fait que, ouais. Et puis là, après ça, tu peux aller en mission, mais je suis rendu là. Parce que moi, j'ai juste gossé avec toi. Ok, tu peux aller en mission. Ouais, mais j'ai pas encore essayé. C'est quoi? C'est peut-être pas bon, mais je sais pas. À date, moi, tout ce que j'ai vu, c'était très impressionnant. C'est vraiment drôle. Genre, il y avait un petit jeu, il y avait un minigame par rapport, là. Genre, t'es dans le Batcomputer, puis là, il t'ouvre ses archives, puis là, il te montre des... Ben, de un, il te rappelle l'histoire des autres jeux de Batman, Arkham, Asylum et compagnie. Ah, oh, il te la spoil! Ouais, ben, il te rappelle l'histoire. Je sais pas s'il te spoil les détails, là. Je ne veux pas vraiment jouer, fait que je sais pas. Mais à chaque fois, tu sais, comme... Tu sais, ils savent que lire en VR, c'est plate. Fait qu'ils te mettent juste comme la phrase clé, puis une voix te lit le texte. Mais tu sais... Juste écouter du texte en VR, quelqu'un lire du texte, c'est quand même plate ça aussi. Fait que pendant ce temps-là, ils te mettent un objet clé. Puis là, je me suis rendu compte à un moment donné que je pouvais prendre cet objet clé par rapport, tu sais, objet clé dans le sens de, par rapport à l'histoire. Là. Mettons, ils te parlent de l'histoire, nanana, de tel bout de film ou de jeu, puis là, ils disent Bane, puis là, ils te parlent de Bane, puis là, ils mettent le masque de Bane. Fait que là, tu peux prendre son masque, puis là, regarder tous les bords, puis là, c'est tout détaillé, puis c'est beau, puis c'est cool. Parce que l'objet, tu le tiens dans tes mains. Puis après ça, c'est le gun de machin, puis le truc de Joker, puis la gnagnagna. Et là, t'arrives au trophée mystérieux de... le Sphinx? L'homme point d'interrogation? Oui, ben Riddle. Ouais. En français, lui. Je pensais le Sphinx. Ouais, lui. Bon, ben, tu sais... Le Riddler. Le Riddler, ouais. Eh bien, l'objet, au lieu d'être là, il est tout défait en morceaux. Puis là, ben, c'est un jeu de casse-tête en 3D. Fait que, tu sais, comme il y a un mini-game de casse-tête caché dans Batman. Hey, ça va être le fun des casse-têtes en 3D en VR, par exemple? Yeah, c'est quand même le fun. Je les ai toutes faites. Puis j'ai eu un achievement. Oh, nice. Fait que c'est ça. C'est comme... ça. Mon impression en jouant à ça, c'est... un, le studio qui a fait ce jeu-là comprend comment ça marche en VR. Comprend qu'est-ce qui est cool en VR. C'est-à-dire taponner des objets, puis l'impression de réalisme. T'es là. T'es Batman. C'est toi. C'est devant toi. C'est pas je shoot du gun puis il se passe de quoi à distance. Là. C'est là, là. C'est devant toi. Tu le tapes, tu le tiens dans tes mains. Il y a une physicalité dans ce jeu-là que je retrouve pas dans beaucoup de jeux de VR, qu'on retrouvait dans le jeu du petit robot qui est le démo de Oculus. T'as-tu du haptic feedback avec ces manettes-là? Ça vibre. OK. Fait, oui. Ouais. Juste assez. Hmm. Les environnements sont détaillés, les objets sont détaillés, tu peux te pencher, tu peux regarder en dessous des affaires. Ils ont bien fait ça. Ça bouge pas. Ça bouge un peu. Quand tu fais le grappin, il aurait pu faire une erreur de débutant puis faire comme genre, ah, on te fait faire wouhou parce que t'es Batman. Puis là, ben, tout le monde aurait eu mal au cœur. Mais là, ils font juste comme, ah, une microseconde de. Juste pour que tu perçoives un mouvement vers l'avant, mais là, ça fade to black. Puis là, ah, t'es rendu à l'autre place. C'est un téléport avec juste un petit mouvement pour que tu sentes que tu t'avances. Okay. C'est le petit, juste subtil, là. Mais c'est pas un téléport. Un téléport, ça, c'est pas Batman. Faut que tu utilises un grappin, il faut que tu sentes que ton corps se fait tirer vers l'avant. Fait qu'ils en ont mis juste un petit peu, mais avec un fade to black. Puis je suis sûr que si je le regardais au ralenti exactement l'effet, je suis sûr qu'il coupe ta vision périphérique vraiment rapidement pour pas te donner au cœur. Ouais, parce que c'est beaucoup la vision périphérique le problème, là. Ouais. Puis c'est bien écrit aussi. Il y a pas beaucoup de texte puis de dialogue, mais le petit peu qu'il y a, genre Alfred, il parle. Puis tu sais, il te fait pas. Ils savent que, genre, en VR, tu veux juste gosser puis tu t'en fous des missions puis de qu'est-ce que le jeu veut faire. Tu veux juste gosser. Fait que tu sais, Alfred, il est comme, ben, il faut que je vous parle d'une mission d'une affaire importante, mais prenez votre temps, Monsieur Bruce. Fait que là, tu gosses. Il dit, quand vous serez prêt, vous viendrez me voir. Fait que là, ben, t'as l'heure, Alfred. Moi, je gosse. Là, je gosse dans toutes les affaires. Puis à un moment donné, tu sais, c'est pas comme les jeux où à toutes les 30 secondes, c'est comme, Mr. Bruce, there's an urgent matter. I need to talk to you. C'est comme, genre, après 5 minutes, il m'a dit, genre, mais oubliez pas, Monsieur Bruce, le truc, Robin manque à l'appel. Vous devriez venir me voir. Comme, ah, oh, ok. Maintenant que j'ai passé 10 minutes à gosser dans mon laboratoire pour rien, je peux faire ça, oui. Puis quand t'écoutes une cassette, là, où ce que genre tu vois un ami de Batman se faire tuer par le Joker. Puis là, puis quand tu mets la cassette, Alfred, il dit tout de suite, genre, oh, faut-tu vraiment encore regarder cette cassette-là? Comme si ça faisait genre 1000 fois que tu l'avais écouté. Parce que Bruce Wayne, évidemment, il l'a écouté 1000 fois. Parce que Batman, il est emo. Il se torture lui-même à regarder mille fois la cassette de son ami se faire tuer. Ouais, clairement. Et là, si tu la remets dedans, parce que t'as oublié c'était quoi cette cassette-là, t'as refoutu dedans, puis là, Alfred est encore genre, est-ce qu'on doit vraiment regarder encore ça? C'est la même ligne. Mais c'est comme, une ligne pour toutes les situations, ça marche. Alors que dans un autre jeu, il aurait fallu peut-être deux lignes. Ouais. J'imagine Alfred avec comme son pas. Tu sais, son expression qui est toujours pareille de toute façon, là. Oui. C'est, comme je te dis, c'est des gens qui. Ceux qui ont fait ça, c'est des bons scénaristes, des bons écrivains qui savent comment écrire pour des jeux vidéo, qui savent comment faire des missions intéressantes pour des jeux vidéo, qui savent comment pas te faire chier, qui savent comment que le VR ça fonctionne, puis qu'est-ce qui est cool. Man! Il est un peu cher, surtout si, comme les gens disent sur Internet, que si tu fais le tour en une heure, si t'es pas moi, à gosser avec tout. Moi, je l'ai pogné à genre 5$ en spécial. Moi, ça a l'air, là. J'ai même pas fait le jeu encore. Puis je suis content. Ça a même pas fini, hein, c'est ça. J'ai même pas fait encore une mission. Je sais pas combien il y en a. Il y en a peut-être rien qu'une. Ouais, je suis pas sûre qu'il y en a tant que ça. Je sais pas, Non. mais il me semble aussi, j'ai entendu dire qu'il était pas long, là. C'est ça. Mais Mais c'est pas grave, je suis content. c'était la musique d'autre chose. Okay. Marrant. Sinon, qu'est-ce que j'ai joué d'autre? J'ai joué à Rec Room. Ouais, c'est quoi ça? Tu nous en as-tu déjà parlé? Il me semble ça me dit quoi. Non, parce que j'ai commencé à jouer après avoir joué à Backman. C'est un multiplayer jeu de toutes. C'est un jeu de toutes. Ben, c'est comme un. Le concept, c'est comme. Ben, tu vas dans un centre de récréatif, puis il y a plein d'activités. Puis, ben, tu vas te tenter de faire du tennis, ben, tu vas faire du tennis. Ça te tente de faire du soccer, ben, tu vas faire du soccer. Ça te tente de faire du paintball, tu vas faire du paintball. OK. C'est Tu veux faire du laser tag? Alors, faire du laser tag, fait que. comme Gary's Mod. Peut-être, je pense, j'ai vu qu'il y a comme une manière de créer tes propres salles, puis potentiellement de Ouh. coder des logiques, de la logique pour faire tes propres jeux multiplayer. Fait que, ouais. Ça a l'air quand même assez. J'ai pas encore. Pour l'instant, je me suis concentré juste à essayer les activités officielles, mais genre, il y a plein d'activités non officielles que les gens ont faites. Je n'ai pas essayé encore. Mais tu sais, j'ai essayé le paintball puis le laser tag. Ça, c'était cool. Faut que tu utilises le téléport. C'est pas facile, mais genre, je vois le potentiel de jeu multiplayer, là. Pour faire des shooters multiplayer immersifs comme ça, là. Des Overwatch style. Mais Ouais. ça se fait bien en VR, tu te déplaces comment? En téléport. Ok, ouais. Puis tu peux pas te téléporter à l'infini, là. Il y a comme un cooldown sur ton téléport pour pas que tu Oh, ok, dives pas tu fais à bloup, l'autre bloup, bloup, équipe. Yes. bloup. Remarque, c'est un peu ça que je faisais à un moment donné. J'étais comme, bon, je me fais tout le temps tuer quand j'essaie de jouer défensif. Je vais essayer de going commando. Je sneak par le côté du level, je m'en vais dans leur base, puis je les tire dans le dos. Yeah! J'ai plein de kills. Ouais! Good. Fait que ça, c'était cool. Ça, c'est contre du vrai monde ou Ouais! Puis, Ah. le matchmaking se fait comme tout seul. Au début, tu es dans ta chambre, ça c'est privé. Mais après ça, dès que tu vas dans le Recreation Center, là, il y a du monde. Tu rentres là, c'est comme un lobby, il y a du monde. Puis, tu les entends parler. Parce que c'est avec ton micro, il y a un micro dans le casque. Ouais. Comme on l'a découvert à l'enregistrement du podcast l'autre Ah fois. oh, oui, c'est vrai! C'était tellement drôle, ça. Fait que t'as le micro dans la Oh, c'est case, fait que drôle. tu parles, puis le monde, puis le son est positionné, puis avec la distance, fait que si la personne est loin, tu l'entends pas vraiment. Mais il y a beaucoup de petits enfants, c'est drôle. Ils sont tous paquets de nerfs. Il y a une affaire quand même drôle, c'est il y a des bouteilles d'eau partout. OK. Puis le jeu dit genre, tu sais, c'est une ambiance de centre récréatif. Fait que c'est comme dans l'univers du jeu, ben t'es comme t'as couru, t'as fait du sport, t'as chaud. Fait que le jeu, c'est comme tout le temps stay hydrated. T'es bois de l'eau. Il y a des bouteilles d'eau, il y a des fontaines d'eau pour boire. OK. Qui fonctionnent comme une vraie fontaine d'eau. Là, tu pèses, il y a une barre, puis là, tu pèses avec ta main, puis l'eau elle sort, puis là, tu te penches, puis tu bois. Ce qui sert à rien. Mais ça a quand même un effet. Ça m'a fait réaliser deux choses. De un, quand t'es en VR pendant longtemps puis que tu bouges beaucoup, ben oui, t'as chaud. Puis oui, t'as soif. Fait que de voir de l'eau, ça te fait penser, ça te fait réaliser que genre, j'ai soif. Et donc, j'aimerais boire de l'eau. Fait que. Comme, enlève ton casque puis va chercher de l'eau pour boire pour vrai dans la vraie vie. Mais l'autre affaire que j'ai remarqué de drôle, c'est comme il y a des mouvements dans notre corps qu'on contrôle pas puis qui sont automatisés. OK. Genre, dans le VR, là, je prenais la bouteille d'eau là, puis là, je me l'envoyais dans la face puis je faisais semblant de boire. Puis je suis comme ah, c'est drôle là! Glou, glou, glou, glou, glou! Et je dépose la bouteille d'eau. Puis là, ma gorge a fait le mouvement Loop. d'avaler comme pour vrai. Puis je j'étais comme, j'ai réalisé après, je suis comme, pourquoi j'ai fait ça? Pourquoi j'ai fait ça? C'est dans ma nippe. J'ai pas bu d'eau. J'ai rien bu. Ben, j'ai fait c'était ça? Pas loin. Mais, genre, le VR, c'est tellement cool. C'est bluffant. Il y a... tu gagnes des coins en participant dans des activités, puis tu peux t'acheter des costumes ou des bouteilles de bière, de root beer, ou de la pizza. Puis là, tu peux ouvrir ta boîte de pizza et partager de la pizza avec tes amis. Puis là, ben, tu prends des pointes de pizza, puis là, t'es mène même, puis là, ça fait comme cronche, puis là, ça revole partout. Ça sert à rien, mais c'est comme, c'est cool. C'est comme, tu sais ce que je disais l'autre fois, là, comme, quand je vois des trucs en VR, j'ai comme, ça a l'air tellement vrai, que je suis comme, c'est-tu vraiment vrai, là? Mettons que je me le mets dans la bouche, est-ce que ça va être vrai? Ah, non. C'est pas vrai. Parce que ça valait la peine d'essayer. Ta main, tout le son, t'as trois sens qui sont bluffés, là. Les seules affaires qui te restent, c'est genre ton menton, ta bouche, tes lèvres qui, mm-hmm. genre, qui, pour toucher. Là, tu pointes, tu vois que t'as une balle dans ta main, puis là, t'es comme, c'est-tu une vraie balle, ça? Là, t'as... si je la liche, mettons, tu sais que ça goûte. Là, tu sais, ah, c'est vrai, c'est pas une vraie balle. Mais tu peux bouffer de la pizza. De la fausse pizza virtuelle. Ça sert à rien, mais c'est drôle. Nabit dit, à cause que c'est du cross-platform, il y a des enfants à cause de PSVR. Ouais, ben sûrement pour les familles, c'est plus accessible, le PSVR. Fait j'avoue, que, hein. Si peut-être pas avoir beaucoup d'enfants qui ont un... Si t'as déjà la console, tout ce que t'as acheté, c'est un kit à genre quoi? Il est combien? 400$? 500$? Pour le kit complet? Je sais pas. Tant que ça? Je suis pas sûr que c'est pas moins cher que ça. C'est quand même moins cher qu'un Oculus. Puis l'Oculus, t'as pas l'ordi. Faut que t'achètes une carte graphique. Faut que t'achètes... Non, il est à 300$. Le kit de PSVR? Oui. US? Sûrement, ouais. Ouais. Je joue. Ben, 300 versus 500 pour Oculus. 500 US? 400 ouais, US? 500, ouais. Combien j'ai payé? Je sais que je l'ai payé à genre 100$ de rabais, fait que je sais plus. Enfin. What's a page not found? Ce moment de silence est une gracieuseté de cette bouteille d'eau que je m'apprête à boire dans le vrai monde, pas dans le monde virtuel. Ah, il est à 250. Mais comme tout seul avec rien. Ah, si t'avais déjà la caméra, puis ça vient pas avec les manettes. Ok. Ouais. Si t'es déjà, sauf 50$. Fait que là, mettons deux manettes PlayStation Move, la caméra, le casque, puis Skyrim, 450$. Fait que ça compte pas la PS4. Mais qui veut jouer à Skyrim en VR? Pourquoi? Je sais pas. Je comprends. Ça, je le comprends. Je sais pas. Ça doit être pas si pire aussi. Hein. Mais je veux dire, c'est le fun Skyrim, c'est parce que c'est déjà en première personne. Hein. Fait que, tu sais, à quelque part, je comprends. Comprends peut-être c'était un peu facile. Plus l'intérêt. Là. C'était facile, mais c'est pas un bon jeu de VR. C'est pas le Batman que je te parlais tantôt. Ouais. C'est ça la différence. C'est que dans un cas, c'est un jeu qui a du budget. Qui a été faite pour le VR. Mm-hmm. Qui est pas long, parce que tu veux pas que ça soit long en VR. Mais il y a de l'air d'avoir comme beaucoup de valeur. Le Skyrim? De production values. Non, le Batman que tu parles. Ouais. C'est surprenant. Il y a de l'air d'avoir du travail dessus. Il est pas long, mais c'est ben, dense. J'ai l'impression qu'ils ont... Je veux dire, soyons honnêtes, là. Ils ont sûrement réutilisé un gros paquet d'assets de... C'est Rocksteady qui l'a fait. Fait que c'est les mêmes gangs qui ont fait les jeux de Batman. Fait qu'ils ont mm-hmm. probablement réutilisé tous les modèles 3D. Ils ont tout pris ça. Les objets, c'est probablement tout reuse. Ils ont pas dû en refaire tant que ça pour le VR. Sûrement que oui, mais peut-être pas tout. Ouais. En particulier, souvent, les jeux à troisième personne, t'es vu d'en haut. Fait que souvent, le dessous des objets est pas modélisé. Ah. Tu peux pas gagner avec ça. Il hey, faut que tu modélises tout, genre, parce que Ouais. quand tu prends un objet, là, puis que tu le regardes dans ta main, là, s'il y a un petit bout qui n'est pas modélisé, là, tu le vois tout de suite. C'est sûr. Faut que tu modélises le dedans du trou du gun. Pour que, genre, parce que, tu sais, si tu C'est vrai. regardes dans le Si trou... c'est flat, tu vas le remarquer, hein? Ben oui, parce que c'est en 3D. Ben Ouais, exactement. C'est mais c'est flat, drôle on parce que peut tu vois ça remarquer. dans Skyrim, j'avais trouvé ça quand même cool. Dans ton inventaire dans Skyrim, si tu prends un objet, tu peux mettre ta souris puis glisser puis il est modélisé en 3D. Fait que tu peux le bouger dans toutes les... Genre, l'inventaire était déjà comme ça. Huh. Parce que y a comme un, le premier donjon, je pense qu'il y a un puzzle comme ça, puis il faut que tu réfléchisses parce que l'objet de quête, faut que tu retournes dans ton inventaire, puis tu le regardes, puis tu le fasses tourner, puis dessus, il y a comme un indice, là. Fait que si tu penses pas à ça, tu fais dur. Il te l'explique pas tant que ça, je pense. Pour Mais manger tout le fromage. Puis les choux. hein? Mais dans Skyrim, tu fais pas genre ça, manger du fromage Ah ouais. et des choux tout le temps. Faut te healer. Ouais. En plein milieu d'un combat. Ouais, parce que ça pose le temps. Ben oui. Fait que genre, t'ouvres ton inventaire pour que ça pose, puis là, tu prends tout le fromage, tu fais chom chom chom chom chom chom chom chom. Puis là, quand tu déposes, ils viennent manger 50 kilos de fromage. Ouais. Il vient de manger l'équivalent de son poids en fromage d'une seule seconde et ça l'a instantanément soigné toutes Oui, ses c'est ça. blessures. C'est tellement drôle. Ah, les jeux vidéo. Ah, oh, Skyrim. Ah, mais il y avait une entrevue. C'est qui le c'est Todd Howard, le gars qui de Bethesda qui fait Skyrim puis tout, puis qui produit Fallout puis Skyrim puis en tout cas, il a fait une entrevue avec Kotaku, je pense. Où est-ce qu'il disait on va arrêter de release Skyrim sur toutes les plateformes existantes puis de le remaster puis tout quand vous allez arrêter de l'acheter sur toutes les plateformes existantes pis tout. Et comme tant que le monde achète Skyrim sur fucking Alexa pis sur toutes les plateformes imaginables, ben on va continuer à le faire, hein. Ben, le Skyrim sur Alexa, t'as pas besoin de le payer. Non, c'est vrai. Mais ça, Et c'est un comme mystère. sur le VR, sur la Switch pis tout. T'es comme ben on va continuer à le faire. Ben, c'est que ça coûte pas cher à faire, d'habitude. Ouais, aussi, c'est ça. Mais c'est ça, tu sais, qu'expliquer comme, genre, financièrement parlant, ça vaut encore la peine qu'on release Skyrim tout partout. Fait qu'on va Même si continuer. s'ils en vendent pas tant que ça prend pas de temps que ça pour rentabiliser leur argent. Puis après ça, ben, c'est du profit gratuit. Puis ben ouais, les gens l'ont acheté, ils vont racheter la version HD sur la nouvelle console. Après ça, tu dis comment, mais j'ai aimé ça, c'était avec Skyrim. Oh, ça serait bien portable avec sur la Switch. On va pouvoir jouer à Skyrim partout, partout, Sur partout? PSP? Il y avait-tu sur PSP, PS Je Vita? pense pas. C'est une bonne question. Hein? Fait que la Switch a le premier Skyrim portable. Je pense que oui. Wow! Oh, Skyrim PS Vita, attends un peu là. Il y a du monde qui l'ont, il y a du monde qui ont réussi. Ah, oh, mais là, pas un Ouais, hack, là, je parle. Un vrai Bethesda Official Product. Ah, non, ok. Je pensais qu'il y avait réellement un article de pourquoi est-ce que Skyrim est jamais venu sur la PS Vita, mais non, c'est un forum. Vingouin. On parlait de Rec Room. Ben, Rec Room, c'est cool. Moi, j'attends juste de pouvoir l'essayer avec des gens que je connais. Mais c'est-tu payant ça ou c'est comme Ah, j'ai oublié, c'est gratuit. Ok, cool. Donc, je répète tous les jeux que j'ai parlé ce soir. J'ai parlé de Transition, la petite affaire musique vidéo, gratuit. Batman, normalement, je pense qu'il est 15$ canadien. Puis là, il était comme 5$. Moi, je trouvais ça cool. Rec Room, c'est gratuit. Il y a des microtransactions dedans. Mais Ok. Ah, mais pour acheter justement des rooms de plus, j'imagine? des costumes puis des affaires. Je sais pas. Je sais pas. Puis il y a Des des costumes. quests là, que tu... il y a des daily quests, fait que ça t'encourage à revenir à tous les jours. Puis la quest, c'est genre fais 2 matchs de tennis puis tue 10 bébites dans tel mode puis fais 2 kills en paintball. Puis là, le lendemain, tu reviens, puis là, c'est... OK, va faire un match de soccer, puis une victoire en paintball, puis... cas, ils te font essayer comme ça toutes les activités à tous les jours. Un petit peu à tous les jours. Nice. C'est bien fait, tu sais. C'est cool. C'est child-friendly, puis c'est le fun. Non, ça a l'air très cool. J'ai vraiment l'impression que c'est un peu comme un Garry's Mod, mais sur le PSVR, puis c'est bien... C'est parfait pour que le monde vienne à ta plateforme puis qu'il commence à créer des trucs. Moi, je l'ai joué sur Oculus, donc sur le Oculus Store, fait que c'est pas PSVR, mais... En fait... Ben, oh, c'est quand même pour amener du monde à ta plateforme. Oh! C'est du cross-platform dans ce sens-là? J'avais pas allumé. Je pensais que le jeu était sur plusieurs plateformes, mais est-ce que vraiment les joueurs peuvent ça être... Parce que t'as des manettes aussi avec la PlayStation. Là, t'as la PlayStation Move. Fait que théoriquement, tu devrais être capable de faire pas mal d'affaires. Huh. Ben, peut-être. Faudrait, ben, je vais demander. Je vais demander aux gens, genre, « Hey, toi, tu joues-tu sur Oculus ou sur Vive? » Ouais. Oui, j'ai vu, ils ont... Lunabit dit dans le chat, il y a un mode Battle Royale sur Rec Room. Ouais, je l'ai vu passer. J'ai pas encore essayé dedans. J'ai posé. À quand Fortnite en VR? Ben... Okay. Ben, ils l'ont sorti sur téléphone. C'est parce que ça sera pas. Ça va être. T'es tellement plus lent. T'es pas rapide. Là. Ouais. Genre les pros de Fortnite, là, t'es voix aller, là, ils construisent puis ils jumpent dans toutes les bords. Là. Tu vas pas faire ça en VR. Non, j'aime bien mieux un jeu qui est fait de la base à la base en VR pour du VR. Exclusive VR, genre. Puis qui va être. Qui connaît comment que le VR fonctionne, puis qui réfléchit à comment faire un bon jeu de VR. Ouais. Ah, Lunabit dit oui, cross-platform Oculus, Vive, PSVR jouent ensemble. Ben, voyons donc. Même Fortnite, ils ont pas ça. What the fuck? Parce que, genre, Sony, ils ont mis une règle louche, là, tu sais, ouais. Fortnite. Blob est pas là, mais il pourrait nous en parler. Ben, ce que j'ai compris, c'est que si tu joues sur la PlayStation, dans le fond, c'est comme un MMO, fait qu'il faut que tu te crées un compte Epic Games pour pouvoir jouer. Mm-hmm. Fait que si tu le joues sur la PlayStation, ben, il barre ton compte Epic Games à ta PlayStation. Fait que là, tu peux plus jouer avec comme la même adresse courriel, puis vraiment ton compte, tu peux pas jouer sur une autre plateforme que la PlayStation. C'est vraiment con. Fait que si t'avais un compte sur ton téléphone... Tu ouais. peux plus jouer sur ton téléphone après que tu aies joué sur ton PlayStation. Oui, c'est ça. Fait que si tu as un compte sur ton téléphone, là, tu vas sur ton PlayStation, tu mets ton compte Epic Games sur ton PlayStation, puis là, tu peux comme pas revenir, je pense. C'est ce qui est barré. Bullshit. Ouais, c'est vraiment la merde. Je sais pas comment ils ont fait pour chier ça, là, mais apparemment que c'est littéralement barré. Là. Ça a l'air... Moi, ce que j'ai lu, c'est que ça a l'air que c'est Sony. Ouais. Pour des raisons marketing. Parce qu'ils disent genre, oh, on peut pas. On contrôle. On modère nos joueurs, on fait la modération de nos joueurs, mais on peut pas modérer les autres plateformes. Là. Fait, on sait pas, ça pourrait être dangereux. En réalité, c'est parce que c'est pour l'argent, là. Ils ont peur que. Je sais pas vraiment, là. Ils ont peur que les gens aillent jouer sur Xbox. Ouais, on dirait que c'est pour les barrer, là. Je sais pas, en tout cas. Fait que. C'est weird. Ouais. Bref, Blob pourra sûrement nous en parler plus en détail. Il n'est pas là ce soir, mais... Et la semaine prochaine. Il a joué un petit peu la semaine passée, puis il a joué plus cette semaine, il nous a dit. Good. Sur ce, c'est ce qui nous amène à la fin, et donc au mot de la fin du podcast. Oh my God, les mots de la fin. J'ai-tu des mots de la fin? Oui, j'ai deux petits mots de la fin. J'ai joué à des board games, des jeux de téléphone. Oui. J'ai joué à Monster Merge, qui est un jeu de merge correct. Cute, mais pas sûr que je vais jouer tant que ça. Mais de toute façon, t'en as déjà plein à jouer. Oh ben là, je n'y joue plus, là. Ça fait longtemps. Ah, bon. Je l'ai fini. Merge Farm, je l'ai fini. Tu peux finir ça, ces jeux-là? C'est pas des jeux incrémentaux qui finissent jamais? Ben là, il me restait d'autres légumes à aller chercher, mais j'ai unlocké toutes les tuiles de terrain de ferme. Puis là, ben, tu gagnes de l'argent, puis ça sert un peu à rien. Je suis comme, ben là, c'est quoi ce niaisage? Fait que j'ai un peu arrêté ça là. Fait que ouais, ça c'était Merge, Monster Merge. Ouais, Monster Merge. J'ai joué à Pokémon Quest, le nouveau jeu qui est sorti sur la Switch. Ouais, aussi j'avais commencé. Qu'est-ce que t'en penses? Ben, on en reparlera une autre fois, mais j'ai fait comme 4-5 missions. Là, fait que j'ai pas joué tant que ça. Ouais, déjà, il était sorti sur la Switch avant, puis je trouvais que les gens avaient vraiment pas l'air emballés, puis qu'ils disaient que c'était plus comme un jeu de téléphone. Sauf que là, je l'ai mis sur mon téléphone, puis je réalise que c'est un jeu auquel il faut vraiment que tu joues. Fait que je suis pas super emballé non oui, plus. Oui, puis non. Ben. Ouais, j'ai pas l'impression qu'il se passe quoi que ce soit quand je suis pas là. Ouais, non, il y a pas de timer. Ben, tu regagnes tes. C'est comme les jeux de puzzle quiz. Candy Crush. Là. Tu regagnes ton énergie, là. T'as cinq cœurs, fait que tu peux faire 5 missions. Puis après ça, il faut t'attendre pour regagner ton énergie. Ouais. Il y a aussi... Qu'est-ce qu'il y avait? Y a-tu des trucs qui se passent? Ben, tu peux... Le mode principal, tu sais, déjà... On en reparlera, là, mais... Le fait que tu contrôles pas vraiment ton bonhomme... Ouais. Tu peux se mettre en auto-attaque. C'est un peu comme... Ouais, ça, je l'ai pas fait. J'ai comme pas mis en auto-attaque parce que je trouvais ça bizarre. Fait que je continue à faire les attaques moi-même. Ouais. En tout cas... Mais comme c'est que je trouve pas que c'est une mécanique le fun. C'est des attaques de base en plus. En fait, ça ressemble vraiment à. Comment que ça s'appelait? Knight. J'en ai parlé d'un jeu, là, c'était une espèce de mini Diablo avec un bonhomme qui court tout seul dans les donjons puis qui tape les méchants tout seul. Des spéciales attaques. Ouais. Comme ça, mais avec plusieurs Pokémon, trois au lieu d'un seul bonhomme. Ouais. Comment ça s'appelait? Endless comme la façon Knight. Qu'ils sont placés des fois. Tu sais, je trouve qu'il y a quand même peut-être un petit peu de strat sur quand tu fais tes attaques, parce qu'ils ont un cooldown. Il faut que le Pokémon soit bien placé souvent, là. Ouais, le positionnement est quand même un peu plus important. Pour que l'attaque surtout les trucs qui font du AOE, genre. Cas, oui, c'est ça, pour être sûr de pogner comme un maximum de personnes. Là. Ouais, c'était mon mot de la fin. Je suis pas particulièrement emballé non plus. Moi, je vous conseille le mot. Moi, il me donne une deuxième chance. Là. Pas sûr que je vais jouer dans ça, mais moi, il me donne une autre chance. Mm. On est bizarre. On n'aime pas les jeux qu'on joue. On n'aime pas les jeux qu'on joue pas. Sur téléphone. Mm. Mais après ça, je joue à Jurassic World Alive tout le temps. Puis à Pokémon Go. Il faut que tu joues à ça. Mm-hmm. C'est vrai. Ou sinon, je le laisse juste ouvert dans le trafic. J'y touche même pas. Je le laisse ouvert. Ouais, c'est ça. Fait que quand t'es dans le trafic, tu roules en bas de genre 30 km/h, je pense que tes œufs continuent à éclore. Fait que. C'est quand même pas pire. C'était mon mot de la fin. Est-ce que c'était ton mot de la fin, ça? Qu'est-ce que j'avais? Ça fait longtemps que j'ai pas parlé de Picross. Il me semble que. Genre, je l'ai ajouté, puis je suis là, mon Dieu, ça fait longtemps que j'ai pas mis Picross sur la feuille de route. Ça fait beaucoup trop longtemps. Que j'ai pas parlé d'un jeu de Picross. Voilà. Non. Non. Parce que je continue à jouer, mais à un moment donné, je peux quand même pas en parler à tous les semaines. Là, le monde le savent que je trippe sur Picross. Non, j'ai acheté Picross 3D Round 2, qui est sur la 3DS. J'avais fini Picross 3D 1 sur la DS. Puis j'avais eu beaucoup, beaucoup de fun parce que je trouve que c'est encore plus. Je trouve que c'est différent en 3D. Je dirais peut-être pas que c'est plus dur. Parce qu'il y a des Picross 2D super compliqués, là, qui sont genre immenses puis qui sont vraiment durs aussi. Mais en 3D, c'est vraiment comme différent. C'est quasiment pas tout à fait le même genre de puzzle, puis c'est vraiment, vraiment le fun. J'avais aimé ça. Le petit peu que j'ai joué, c'était cool. Mais le 2, il rajoute une couche de plus. Fait que t'avais-tu joué sur la DS? Sûrement. Oui. En fond, c'est des cubes. Là. T'as comme une grosse structure de cubes. Puis là, t'enlèves les cubes qui forment pas la forme que tu recherches. Puis tu gardes les cubes qui forment la forme que tu recherches. C'est comme c'est un gros, gros, gros cube. Là. Puis là, tu chips genre les cubes extérieurs. Puis là, tu sculptes quelque chose. Ah, ouais, ok. Ouais. Mais là, dans ma tête, c'est la même chose. Puis là, je suis comme, ah, c'est vrai, c'est pas pareil. Non, c'est vraiment différent. Puis, c'est ça, dans le round 2, là, c'est encore plus différent parce qu'il y a deux couleurs. Fait qu'il y a deux types de cubes que tu gardes. Il y a des cubes pleins, puis il y a des cubes qui vont devenir des cubes pas pleins, mettons, genre un cube coupé en deux, ou une surface ronde ou quelque chose du genre. Sauf que ça fait qu'il y a deux couleurs de chiffres partout. Il faut que tu trouves quel cube que tu gardes puis de quelle couleur qu'il est. Fait que c'est comme un niveau de profondeur de plus. C'est vraiment le fun. Bon, tant mieux. Et puis cross, c'est toujours le fun. Mais là, c'est plus de puzzles puis plus de profondeur. Puis, ah, j'ai du gros fun noir. Ouais, là, les mots de la fin, là. C'est-tu supposé durer 10 minutes? Hey, ça fait pas 10 minutes. Non, mais au total, moi pis toi. Ah, peut-être. Ça fait 15 minutes. Alors, c'était nos mots de la fin. Oui, j'ai fini, là. On va faire des mots de la fin plus courts les prochaines fois. Ah. On a commencé en retard. Quand on commence en retard, je me permets tout le temps de faire des mots de la fin plus longs. Comme ça, okay. On en donne pour leur argent à nos auditeurs. Ben oui, c'est-à-dire ben infini, oui. Hein, parce que plusieurs minutes de podcast divisées par 0$, c'est infini de contenu. Et voilà. Il n'y a pas beaucoup de choses d'infini dans la vie, mais le contenu de On a juste une vie, le rapport qualité-prix de On a juste une vie, voilà. Est infini. C'est important pour nous. Et donc, notre clientèle est importante pour nous. Ce contenu d'une qualité, ayant un rapport qualité-prix infini, devrait vous encourager à vous abonner. Hein? Sur iTunes ou YouTube, hein, en allant sur onajustunefille.ca pour avoir les liens. Ou vous nous suivez sur Twitter et Facebook. Et Discord. On a maintenant des beaux bots niaiseux dans la room, les bots. Ouais, il faut que j'apprenne comment ça marche. Et ma soeur s'est lancée là-dedans. Il y a des gens. Oh. Tu peux attraper des Pokémon dans Discord. On est aussi distribué sur l'entredugeek.net. Si vous voulez nous envoyer des sujets, comme l'a fait Jean-François au début de l'émission, vous pouvez nous écrire par courriel à info@onajustunevie.ca ou nous envoyer ça sur n'importe quel média social ou même par le Discord. Genre, c'est peut-être une bonne idée de mentionner, entre parenthèses, que c'est un sujet. Puis, ben... On va répondre à ça. Idéalement, oui, ça va me faire plaisir. Idéalement, on va se rappeler de le mettre sur la feuille de route, puis on va se rappeler la semaine d'après d'en parler. Et non pas oublier pendant 2 mois et demi. Ou 2 ans. Je suis sûr qu'il y a des sujets là-dedans que ça fait 2 ans qu'ils sont là. point. Merci Anne-Marie d'avoir été là. Ça fait plaisir. Et on se retrouve la semaine prochaine parce que... On a juste une vie.